Pis j'pense qu'il va aimer ça. Un clown, un lady, pis c'est pas cher pour le top. Un clown pour grand-papa. Un clown pour grand-papa. Un clown avec des ballons et qui s'appelle Tijon. Un clown qui entend des tonnes de tonnes de clowns. Un clown pour grand-papa. Pour qu'une dernière fois, il rit. Avant de se faire empailler par Urgel Bourgi. Il nous fait chier. Un clown pour grand-papa. La famille est rassemblée dans le foyer de vieillard. Pour la fête du bon vivant. Tout le monde compte, c'est le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Voici le clown. Le vieux cesse de faire la baboune. D'abord un petit rictus. Puis il en met un peu plus. Il sourit, il piaffe, il s'esclaffe. Il est hilare, il se pisse dessus. Il glousse, il mord, il bat, il pleure, il chibarde tout. J'allons le vieux temps se tordre. Sa couche déborde, elle ne peut plus contenir son plaisir. Le père va serre dans la pisse et la balle. Pendant qu'il regarde son cadeau, le bourdon qui fait son numéro. Qui porte des gogos et qui drôle comme la poune. Et qui grimace comme les singes les plus laids du Cameroun. Un clown pour grand-papa. Un clown pour grand-papa. Hey grand-papa. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier. Tu nous fais chier. Wedding gown.